Chapitre 13. Comment s'habillent les oiseaux? Comment se parent les insectes? Un coup de cloche retentit. Les jeux cessèrent aussitôt. Les chers petits retournent au travail. Venez, vous allez les voir à l'œuvre. Nous ne voulons pas plus d'oisifs ici que sur terre. L'oisiveté est une ennemie que nous combattons partout à outrance. La salle dans laquelle nos voyageurs entrèrent avait un singulier aspect. C'était une serre plutôt qu'un atelier. Un treillage du plus fin réseau l'enveloppait tout entière. Sur ses mailles, les lianes se tordaient à plaisir. De-ci, de-là, des arbres, des plantes, des arbustes de tous les parages terrestres formaient des oasis. Le tapis était de la plus fine mousse, du plus vert gazon. À moitié caché sous les herbes, un ruisseau fredonnait en courant. Il ne chantait pas seul, oh non! Sur toutes les branches, dans tous les buissons, babillaient des oiseaux, tandis que des nuées d'insectes en gaieté zonzonnaient de leur côté. « Vous ferez des reproches à nos maîtres de chapelle, Raphaël. Je ne suis pas content de la façon dont, depuis quelque temps, chantent les rossignols. Je ne sais pas quelle fantaisie leur a pris de faire fi de la mélodie au profit de certaines méthodes guindées et empruntées à l'Allemagne. Cela ne me plaît pas du tout. Si je n'y avais pas mis bon ordre, le paradis lui-même était envahi par le germanisme. Ce que nos harpistes cassaient de cordes n'est pas croyable, et cela pour nous déchirer les oreilles. Les derniers quators que nous a fait entendre Sainte Cécile n'avaient ni queue ni tête. On se servait des trompettes du jugement dernier à tout propos. Celle de Jéricho n'était plus suffisante. Je ne veux pas qu'on dénature ainsi la musique. Revenons à la mélodie et tenons-nous-y. Je ne sais rien de ridicule comme un rossignol qui fait du contrepoint. » Hansel remarqua avec surprise que tout ce peuple ailé qui voletait autour de lui était uniformément vêtu. Plumes, élytres, queues, corselets, antennes, huppes, tout était incolore. L'artiste demanda pourquoi. « C'est dans cet atelier que l'on habille la gent ailée avant de l'envoyer sur terre, » lui répondit Raphaël. Hansel remarqua alors que la plupart des enfants tenaient une palette et des pinceaux. Il vit, de distance en distance, des monticules étincelants, et s'en étant approché, il reconnut qu'ils étaient formés de poussière de perles et de pierres fines. Au moindre signal, les oiseaux, les papillons, les insectes venaient se poser près des charmants artistes qui les couvraient des plus riches couleurs. Il fallait voir comme ils s'y prêtaient de bonne grâce. Ils se tournaient, tendaient le cou, déployaient l'éventail de leurs ailes, présentaient leurs petites pattes pour qu'on les bottât, qu'on les coiffât, qu'on les vêtît de rubis d'or et d'émeraudes. Il n'eût pas fallu leur faire tort d'une plume ou d'une antenne. On eût entendu de beaux cris. Quelques privilégiés, ayant reçu la permission de se rouler dans la poussière de pierreries, ne s'en faisaient pas faute, je vous assure. Les oiseaux-mouches se distinguaient entre tous par leur coquetterie. Une fois leur toilette achevée, ils allaient gazouiller ou bourdonner plus loin, ou bien encore se mirer dans le ruisseau. « Vous avez bien soin, n'est-ce pas ?» dit l'enfant à Raphaël, qui était venu rejoindre les voyageurs, « d'envoyer nos plus beaux oiseaux, nos plus brillants insectes, là où l'homme n'a pas encore mis le pied. Nous n'aurions garde d'y manquer. C'est aux forêts vierges, aux contrées inexplorées que nous confions nos chefs-d'œuvre. On ne peut rien donner à l'homme qu'il ne le détruise. Il abattrait tous les oiseaux du Nouveau Monde pour ajouter une plume à son chapeau. » Un passereau vint se poser sur l'épaule d'Emmanuel qui lui avait fait signe d'approcher. Il était grand comme une grive, marron, avec le dessus de la tête jaune et le tour de la gorge émeraude. Les plumes de ses flancs s'allongeaient effilées en panaches moirées, beaucoup plus longs que son corps. « Cet oiseau, » dit Raphaël, « s'appelle l'oiseau de paradis. » « Le beau nom !» s'écria Hansel. « Qui le lui a mérité ? Je vais vous le dire. »